just man. Par où je commence, putain, par où je commence. Je vais t'écrire mon ressenti, mes sentiments par un bout de romance. Yeah. Regarde comment je suis devenu drôlement clean. Avec elle j'ai trop envie d'être trop gentil, je suis devenu romantique. Elle est mon énergie, me donne des ailes comme Red Bull. Mon corps frissonne quand elle bouge, parfois je rigole quand elle boule. Non, cette femme est trop mignonne. Cette femme c'est mon idole, pour elle je suis prêt à faire des folies folles. Des folies folles, des folies furieuses. Et je me lasserai jamais du goût de ses lèvres pulpeuses. Ou ses yeux en amande pour m'attendrir. Elle me supporte et me soutient pour que mon talent brille. Elle est précieuse. Je suis heureux de l'avoir dégotée. Je pourrais la ligoter pour l'écouter, qu'elle reste à mes côtés. Son regard, son visage, son sourire, c'est tout ce qui fait son charme. Je peux me contenter de la contempler, elle fait vibrer mon âme. Je peux me contenter de la contempler, elle fait vibrer mon âme. Elle fait vibrer mon âme. Ce que je ressens pour elle est indescriptible. Ce que je ressens pour elle est indescriptible. Le cœur est fragile, c'est avec fierté qu'on s'aime. Je pèse mes mots, elle pèse les 21 grammes de mon âme. Ce que je ressens pour elle est indescriptible. Ce que je ressens pour elle est indescriptible. Le cœur est fragile, c'est avec fierté qu'on s'aime. Je pèse mes mots, elle pèse les 21 grammes de mon âme. De mon âme, de mon âme. Le cœur est fragile, c'est avec fierté qu'on s'aime. De mon âme, de mon âme. Je pèse mes mots, elle pèse les 21 grammes de mon âme. Ce que je ressens pour elle est indestructible. Ce que je ressens pour elle est indescriptible. Le cœur est fragile, c'est avec fierté qu'on s'arme. Je pèse mes mots, elle pèse les 21 grammes de mon âme. Je pourrais la regarder pendant des heures, mais si c'est moi qui les provoque, je peine à me regarder quand j'entends ses pleurs. Et je vais me battre pour la garder. Elle en vaut la peine, j'ai pas envie de la perdre et j'en ai peur. Car je sais pas combien j'ai de chance, ni combien elle m'en accorderait. Quand on est sur la corde raide, je ne rêve que de son corps de rêve. Elle est pleine de saveur et sans elle la vie n'a plus de goût. Elle est mon équilibre et sans elle je ne tiens plus debout. Elle est mon équilibre. Elle est mon équilibre et sans elle je ne tiens plus debout. Je ne tiens plus debout. Classman. Ce que je ressens pour elle est indescriptible. Ce que je ressens pour elle est indescriptible. Le cœur est fragile, c'est avec fierté qu'on s'aime. Je pèse mes mots, elle pèse les 21 grammes de mon âme. Ce que je ressens pour elle est indescriptible. Ce que je ressens pour elle est indescriptible. Le cœur est fragile, c'est avec fierté qu'on s'aime. Je pèse mes mots, elle pèse les 21 grammes de mon âme. De mon âme, de mon âme. Le cœur est fragile, c'est avec fierté qu'on s'aime. De mon âme, de mon âme. Je pèse mes mots, elle pèse les 21 grammes de mon âme.